Le livre 2 des Mémoires de Comines contient le récit des guerres qui furent entre le duc de Bourgogne et les Liégeois, 1466-1468. Charles le Téméraire succède à son père Philippe le Bon en 1467. Pendant un soulèvement des Liégeois, Louis XI, qui les soutient en secret, commit la grave imprudence de rencontrer son adversaire à Péronne en octobre 1468 sans prendre aucune précaution. Apprenant soudain le double jeu du roi, Charles le Téméraire entra en fureur et comme Louis XI était à sa merci, on put craindre le pire. Mais des membres de l'entourage du duc, en particulier Comines lui-même, intervinrent pour calmer sa colère. Finalement, un arrangement intervint, très humiliant d'ailleurs pour le roi de France, qui devra aider à châtier avec la dernière rigueur un soulèvement qu'il avait favorisé.